Alors, comme nous sommes sur Japan FM, j'ai décidé de consacrer ma bio d'aujourd'hui à un comédien d'origine africaine. Alors, vous allez me dire, rassure-toi Thibaut, aujourd'hui t'as rien à me dire. Alors, vous allez me dire, quel rapport y a-t-il entre le Japon et l'Afrique? Aucun. Mais je dis ce que je veux, c'est ma chronique. Je vais donc parler d'Omar. Oui, d'Omar, si. Alors, autant vous le dire tout de suite, j'avais même pensé l'inviter dans l'émission. Mais j'ai vite renoncé. Il est intouchable. Omar Sy est né à Trappes. Alors, quand tu es noir et que tu es né à Trappes, t'as intérêt à courir vite pour pas te faire attraper. Ses parents ont longuement hésité sur le choix du prénom de leur fils. Ils avaient d'abord pensé à Crevette, puis à Langouste, puis finalement, ils ont choisi Omar. C'est grâce, sans doute grâce à cela, que la mayonnaise a si bien pris avec Fred. Fred Testo, de son vrai nom Fred Testostérone. Oui, c'est un mec qui en a. Il a d'ailleurs prouvé en jouant dans Pattaya. Omar Sy et Fred Testo sont rencontrés chez Darty, surtout connu pour son service après-vente. Ça balance ce soir. Entre les deux campeurs, il y avait comme un contrat de confiance, voyez. Mais il devait gravir de concert l'échelle qui les mènerait au sommet. Pourtant, force est de constater qu'Omar a pour l'instant mieux réussi que Fred. En 2002, Omar décroche un rôle dans le film Le Raid, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne retrace pas la vie de Rocco Siffredi. L'année suivante, il joue dans un western Couscous, et est une fois dans l'Oued. Mais c'est vrai. En 2006, ce sera son premier vrai succès au cinéma avec Les Jours Heureux, dans lequel il interprète un moniteur de colonie de vacances. Rôle pour lequel aurait également postulé, sans succès heureusement, Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon. Oh non. Puis ce sera le carton d'Intouchables avec plus de 19 millions de spectateurs. Ce film lui permet également de remporter le Globe de Cristal du meilleur acteur, le César du meilleur acteur et surtout le prix du meilleur acteur du Festival international du film de Tokyo. C'était la touche japonaise de ma chronique. C'est bon. Mais l'escroc. Le cahier des charges est respecté. Intouchables, un film dans lequel a refusé de jouer, bien évidemment, Rocco Siffredi. En 2011, Omar Sy devient également la troisième personnalité préférée des Français derrière Yannick Noah et Zinedine Zidane, et donc devant moi. Bah oui, parce que je suis pas dans les trois. Oui, je sais, c'est étonnant, mais tout le monde sait que les classements sont truqués. Bah oui, c'est truqué. Hein. J'en veux pour preuve que Mimi Mati est pour la sixième année consécutive la personnalité préférée des Français. Les Français sont quand même pas aussi bêtes. Enfin, j'espère. En 2012, il joue dans De l'autre côté du périph, un film que j'ai pas vu, puisque comme tout bon Parisien, qu'il respecte, je ne passe jamais et de l'autre côté du périph. En 2014, il tourne dans Samba, un remake de Samba les couilles, avec Rocco Siffredi. Oui, j'aime bien parler de Rocco. Il faut dire que nous avons un point commun. Je vous dirai bien lequel, mais ce serait beaucoup trop long. Aujourd'hui, Omar Sy continue sa carrière à Hollywood. On a pu le voir l'année dernière dans Jurassic World, une histoire de dinosaures qui se disputent, qui n'était pas sans rappeler les récents débats de la primaire de la droite. Il continue aussi de tourner en France et on a pu le voir récemment dans Chocolat, ce qui montre une certaine logique dans sa carrière, la réplique culte intouchable étant « pas de bras ». Pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Le jour où j'ai entendu ça pour la première fois, eh bien je peux vous dire maintenant, Omar m'a tué. Merci. Merci Jean-Paul. On va avoir des problèmes.